J'observais la mort d'un rêve, ce que d'autres appellent le réveil. De nous ce jour voudrait tout brûler. Viens, on se rendort et tu refais le rêve. Je ne vois plus que toi et tu refais nos rêves.